Alors, dans ma valise, j'ai mis 6 pulls, 5 pantalons, 4 t-shirts, des chaussures, 2 écharpes, une paire de gants, 10 paires de chaussettes, un pyjama et une trousse de toilette. Voilà. T'as pris tes sous-vêtements ? Mes sous-vêtements ? J'ai failli oublier mes sous-vêtements.